L'élimination de l'alcool se fait à 95% par le foie. La transpiration, les reins, les poumons font le reste. D'un individu à l'autre, l'élimination de l'alcool ne se fait pas à la même cadence. Parce que nous ne sommes pas égaux. Ce qui nous différencie, c'est l'âge, le poids, le sexe, la qualité de vie, les habitudes, les carences ou les abus alimentaires, les maladies, etc. Le coefficient d'élimination est constant pour un même individu et correspond à la quantité d'alcool que le foie peut détruire en une heure. Et cette oxydation se situe aux alentours de 0,15 g par litre de sang et par heure. Réponse B.